Quand on aime, on devient une personne hantée. Son image vous poursuit toujours. Au grand jour, on fait des rêves. On la sent près de soi pour mieux la posséder et continuer à rêver avec les yeux ouverts. Assis dans mon bureau, regardant le toit, ton image apparaît en moi. Que puis-je faire pour arrêter ton fantôme qui me suit comme mon ombre? Cela a été ainsi depuis longtemps et ne fait que persister avec le temps. Le jour, la nuit se confondent réellement pour t'installer en moi infiniment. Passer un jour sans entendre ta voix qui me fait tant frémir des mois. Toute ta personne représente un joyau d'amour que j'aimerais posséder pour toujours. Dans l'attente folle de ce temps qui me ronge le cœur depuis longtemps, je t'aime.